Ça veut dire le gang, la ganga. Et le mot anglais c'est click. Les chicanos font la clica. Démontrer d'emblée à tous ces veaux ce que l'on vaut. La rage au ventre. On paraît prêt pour la rencontre. Toi, lui, eux sont contre tout. Je vous avoue. Voilà. Comptez, numère, dénombre le nombre des hématomes. Ouais. Quand je brise la surface des molécules de tes atomes. Allez, viens prendre ta dose de rap, c'est franc. Viens bâtir un château pour qu'il s'effondre. Au PUFC, ces mecs se frappent, c'est trempe. Tous dans le même bateau, sourcils s'effondrent. Allez, viens prendre ta dose de rap, c'est franc. Viens bâtir un château pour qu'il s'effondre. Au PUFC, ces mecs se frappent, s'étranglent. Tous dans le même bateau, sourcils s'effondrent. J'ai attendu 20 ans pour faire du rap, français grave, sans s'épargne. Qu'on s'égare, bon départ, j'ai que tes jacks dans mes cartes, ça fait 4 barres. Frère, ne t'arrête pas de penser, car c'est la classe qui rend le vice très tolérable. Car ils s'entendent comme alcool et rap, la confiance une monnaie rare. Rare comme cette femme en tête de la liste. Et voter c'est choisir entre la peste, la pisse et le choléra. À quoi bon compter les printemps? Même tes songes resteront témoigner qu'un temps. J'essaie d'éloigner Vincent, mais la haine me ronge. Car plus le temps passe et moi j'ai 20 ans. C'est pour les tocards, ceux qui vivent la vie d'Aloca. Et ceux qui vivent avec une tonne d'alloc balèque. J'veux tout niquer comme Total, de Grenoble à Boca. It's all good man, mais il te faut un bon avoc. Sensation d'échec, comme l'impression de faire un blocage. Celui te met la presse, comme un couplet d'Ena S sur une prod avoc. J't'ai noyé dans un bocal. La vérité, faudrait que je fasse le vide à l'occasion. Laisse, c'est la crise totale. J'arrive en titubant, c'est pas une erreur de pilotage. Ce sky bat, tiens mes serres, manque de diluant. J'ai 10 nuances de rap, c'est plus une passion, c'est une prise d'otage. Quand j'ai micro en main, j'ai la haine. Je sais pas pourquoi. Je suis sur scène, je suis fâché. Tu vois, c'est comme ça. Allez, viens prendre ta dose de rap, c'est franc. Viens bâtir un château pour qu'il s'effondre. Au PUSC, ces mecs se frappent, s'étranglent. Tous dans le même bateau, sourcils s'effront. Allez, viens prendre ta dose de rap, c'est franc. Viens bâtir un château pour qu'il s'effondre. Au PUFC, ces mecs se frappent, s'étranglent. Tous dans le même bateau, sourcils s'effront. Encore un soir venu pour tout niquer. Car l'opportunité ne se présente pas 10 fois. Ma voix, une arme, la gorge est broliquée. Pour mes prolos qui parlent fort, mais savent se tenir. Au rayon d'alcool à Carrefour, mais se termine en boîte de nuit. Sur des musiques qu'aucun d'entre n'écoute. Mais faut bien plaire à des petites coquines qui sur la piste oublient qu'elles ont un père. Y'a rien de dramatique dans cette époque. Ah bon, je croyais. Si rien ne nous revient de droit, on va se l'octroyer. Y'en a marre de passer pour des truffes ou des sans-avenir. On a des idées du turfu, fonce des sous-amenés. Et bien évidemment, faut les voir aboutir. Sera doté qu'il y a du pain sur la planche qu'il faudra raboter. Là, je tire la sonnette. La vie, c'est c'est du donnant donnant tu reçois. Sans se mentir à soi-même, qui pourra dire que c'est une perte de temps faire un travail soigné. Depuis des années je suis là, pas du côté de chez Swan. Le labeur, la passion même, c'est une alchimie. C'est chaud pour que les gens comprennent, je vais devoir patiner. Y'a qu'un pas entre un élan d'espoir et juste un peu de cynisme. L'important c'est de marquer l'histoire, d'être là à chaque dîner. Pour les proches, les mioches, les gens qui comptent vraiment, ou leur regard seulement suffisent pour être un compliment. Plus j'y pense, me dis que le manque peut être immense. Et que dans un sens, à moi de tout faire avant la dernière danse. Faut garder les yeux ouverts, c'est pas une question de rester hardcore ou de... Pourquoi tu me dis ça depuis tout à l'heure? Nous on fait ce qu'on a quoi. Allez viens prendre ta dose de rap, c'est franc. Viens bâtir un château pour qu'il s'effondre. Au PUSC, ces mecs se frappent, s'étranglent. Tous dans le même bateau, sourcils s'effront. Allez viens prendre ta dose de rap, c'est franc. Viens bâtir un château pour qu'il s'effondre.